respect à toutes les femmes, ouais. À celles qui se respectent. Je joue les relous, mais avec elles je joue le monsieur doux. Le monsieur la caresse, car souvent elles sont en manque d'amour. Crier au secours, non, elles préfèrent faire le détour. Vivre sans le désir de vivre, apaise le désir de mourir. Autant la femme augmente celui de vivre. Certaines dandines dans les rues châtaient avec leur tarpoine. Chip sur le premier vu, même à témoigne. Celle que je ne supporte pas, c'est celle qui se laisse aller, qui vagabonde, zoomé en zoomé. Puis le poisson pourri, vive des drôles de vie. Dans le sexe a connu les lits, ne crie ni à Paris. De l'éducation de l'homme. Si aujourd'hui je suis un bonhomme et je suis autonome, c'est grâce au conseil de ma mère et à toutes celles qui ont traversé la life de monsieur R, baby. Même si je t'ai jamais dit I love you, que je traverse ta vie comme un météore après trois coups. Avoir été ton amant fut pour moi magnifique. Malheureusement je suis un homme éclectique. Comme s'unissent une pensée à une autre pensée, ne s'unissent que les hommes et femmes ayant les mêmes pensées. Chaque jour, chaque mois, chaque seconde, chaque année, j'avis que pour ma descendance, mon futur bébé. Comment critiquer une salope, alors qu'à chaque fois je cope pour avoir deux trois capotes. Voir moi-même la forme, les groupies me satisfont après les concerts. Ma deuxième bureau me soulage après une crise de nerfs. Avec la principale qui s'emballe des fois pour que dalle. Congé matrimonial, j'y crois pas, je continue ma valse. Par-ci, par-là, tu me retrouveras dans tes pattes. T'étonnes pas si tu retrouves mon CD dans ton appart. Dédicacé, sache que j'ai dû passer. Et si c'était une beauté, pour lui faire des petits baisers.